contente parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un colis trop mignon, je vais vous montrer ça. Alors en fait c'est ma cure détox bio de la marque Pandati. J'ai